Tu as demandé. Je prends place dans un biplace. J'explore l'envers du décor, du Vercors. Je pars encore en Corse. Je fais une halte dans les Alpes. Je m'extirpe d'une avalanche avant de traverser la Manche. Je passe à Aurillac en Cadillac. Je bifurque avec des nanas au Panama. Je partage des pastèques avec des aztèques, puis un steak poivré et je me sens enivré. Je traverse la savane dans un van tractant une caravane, mais un porc-épic me pique durant le périple. J'ai besoin de changer de paysage, je me décide à partir en voyage. Je prends le large à la nage, j'affronte les tornades, les orages. J'absorbe 21 matins en saké, ça y est, je suis au taquet. J'enlève une Miss Monde en Égypte que je dépose dans ma Jeep, l'instant est magique. Sur un verre d'exki whisky en skit, tracté par des huskies, je repars sur des skis, je fais du ski nautique en Australie. Là-bas, je discute avec un gourou, originaire de Kourou, qui joue avec des kangourous. Je visite les 115 îles de l'archipel des Seychelles. Je me promène à Tahiti en Bugatti. Je sème la zizanie en Tanzanie. À Bali, des singes me font un massage. J'ai besoin de changer de paysage. Je me décide à partir en voyage. Je prends le large à la nage. J'affronte les tornades, les orages. J'absorbe 21 matins en saké, ça y est, je suis au taquet. Aux Canaries, je me marie, j'épouse une Andalouse. À Marrakech, on crèche, on visite les environs en aviron. Je me balade dans les bras de ma compagne, dans les campagnes d'Allemagne et d'Espagne. Des ouragans, des tremblements de terre, la terre est en colère. Je me cache dans un monastère, à mon goût trop austère, alors j'accroche des posters. Au Cap-Vert, on me sert de la cachupa. Après des langoustes à Phuket, je déguste des chouquettes aux fouquettes. Je boucle mon tour du monde, rempli d'escales. J'ai besoin de changer de paysage, je me décide à partir en voyage. Je prends le large à la nage, j'affronte les tornades, les orages. J'absorbe 21 matins en saké, ça y est, je suis au taquet.